J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable le 26 avril prochain en portant ces accusations. Je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose. C'était à la une. Le Petit Journal, 6 mai 1931. Ce qu'il faut se dire à Vincennes. Les Français, la France et ses colonies. J'imagine une république qui ressemble à l'idée que je me fais de la France. Une république radieuse, saine et forte, qui vient accueillir ses hôtes à la porte de l'exposition. Une grand-mère encore jeune, qui vient présenter ses petits-enfants avec la fierté de dire « Voilà ce que j'ai fait ». Oui, maintenant, l'on trouve tout cela tout naturel, d'aller au temple d'Angkor comme l'on va ici au château de Pierrefonds, de traverser le désert en automobile à chenilles, d'envoyer en avion, faire un tour au-dessus de nos possessions d'Afrique, un ministre et une escadrille, de promener Monsieur Gaston Doumergue jusqu'aux confins du désert avec une Marseillaise qui l'accueille dans Kérouan. Et s'il n'avait pas fini son septennat, pourquoi n'aurait-il pas été demain l'hôte de Saint-Louis ou de Dakar? Pourquoi n'aurait-il pas été visiter l'an prochain les plantations et les rizières? Pourquoi n'aurait-il pas fait le tour de nos colonies? Des colonies qu'a rassemblé la République, sauf l'Algérie qui n'est plus une colonie, mais la France même, avec trois de ses plus beaux départements au-delà du Mare Nostrum. L'Algérie qui est tellement la France même qu'elle est obligée de s'allonger vers le sud pour garder de l'exotisme, pour prolonger un mystérieux attrait en dépit de ses monts, de son ciel, de ses oasis où, attablé devant une boisson glacée, le touriste demande nonchalamment « À quelle heure arrivent les journaux de Paris ?» Conquête, lente conquête, qui n'a pas été sans risque, qui n'a pas été sans péril. Le français, et même le moins sot, ne croyait pas à l'avenir des colonies, ni même à notre intelligence colonisatrice. On disait « l'anglais est colonisateur ». Et quand les anglais arrivent dans nos colonies, ils s'émerveillent. Quand ils voient ce que nous avons su faire du Maroc en 25 ans, ils s'étonnent qu'il n'y ait pas eu plus de combats, plus de casses. Et l'on se bat encore, de temps en temps, pour gagner quelques mètres, pour pousser plus loin la limite de la protection, jusqu'au jour où le dernier rebelle lèvera ses deux bras, jusqu'au jour où les postes se rejoindront dans une Afrique cultivée, exploitée, pacifiée, bientôt. Paris, dit-on, n'a pas été fait en un jour. Pourquoi voudrait-on que notre domaine colonial soit ordonné, cultivé, régi comme une ferme en Beauce? Passez, bonnes gens, la porte de l'exposition et rendez-vous compte. Pour constater notre réussite miraculeuse au point de vue colonial, il ne faut pas trop écouter ceux qui se plaignent toujours. Mais il faut se rendre compte du résultat. Qu'on ne nous raconte pas d'histoire, qu'on ne nous dise pas que toute cette splendeur est truquée, que les populations sont hérissées contre nous, que l'on a tout fait pour donner à Paris une illusion alors que là-bas les populations sont écrasées et que cependant les colons se ruinent. Je ne viens pas vous raconter que je viens de découvrir le paradis terrestre. Il est fermé depuis la première pomme. Mais je connais assez le français, mon semblable, mon frère, pour savoir que si en dépit de très durs efforts, il n'avait pas espéré puis assuré sa réussite, il y a beau temps qu'il aurait tout laissé tomber. La preuve du succès est là. Le français est encore là. Et ce n'est pas peu de chose. Et quand vous vous serez rendu compte de l'effort et du résultat, je ne vous empêche pas, Dieu merci, d'aller voir les Cambodgiennes aux ongles d'or, les Annamites aux longs yeux caressants, les dames du Gabon ou de l'Oubangui qui portent leurs enfants comme le plus léger des fardeaux, ou ces Ouled Naïl qui, depuis longtemps, en savent bien plus long que vous sur toutes les voluptés du monde. Ce qui n'a aucun rapport, d'ailleurs, avec notre effort colonial. Robert Dieudonné.